Bangui. Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bonsoir, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Comparution ce lundi de l'ancien Premier ministre burundais, le général Alain Guillaume Wunyoni, à la Cour suprême, et c'est pour son dossier en appel. Le Burundi est appelé à respecter les conditions liées aux droits de l'homme et de démocratie en vue de recouvrer les financements d'avant 2015, une suggestion d'un politologue après la récente session de dialogue entre le Burundi et l'Union européenne. Dans cette édition, on vous parlera de l'hygiène en zone urbaine de Mouha, plus précisément au quartier Guissio, où l'on trouve un dépotoir clandestin, une survie pour certains. Et c'est un ouf de soulagement chez les usagers de certains axes routiers. Les nids de poules sont en cours de rebouchage. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Douayo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page justice, comparution ce lundi en appel à la Cour suprême du général Alain Guillaume Wunyoni et ses trois co-accusés, messieurs Alain Guillaume Wunyoni et Bafoumoukeko Samuel Destino, ont été entendus. Les deux autres s'expliquent ce mardi. Ceux qui ont été entendus ont rejeté le jugement du premier juge. Dans ce procès, le ministère public avait aussi interjeté appel en demandant qu'au premier jugement soit ajoutée une amende de plus de 24 milliards de francs burundais et la confiscation immédiate des biens du général Alain Guillaume Wunyoni. Une information que nous devons à notre correspondant en province de Gitega, Gérard Niwigira. Page justice, toujours le chef collinaire d'Okaragara en zone Burhukiro de la commune Rumonge sous les verrous depuis le soir de samedi. Des sources sur place indiquent qu'il a été arrêté sur ordre du procureur de la République à Rumonge. Au moment où certaines sources parlent de mobiles politiques et derrière cette arrestation, le parquet de Rumonge, quant à lui, évoque l'atteinte à l'économie nationale. Le point avec Jean-Pierre Misago. Les 4000 francs burundais pratiqués par kilo de sucre sur la sous-colline Gafumbe au lieu des 3300 francs burundais le kilo officiellement reconnus, voilà la cause de l'arrestation et la mise en détention le soir de ce samedi du chef collinaire de Karagara. Le parquet de Rumonge qui confirme cette arrestation dit poursuivre ce chef collinaire d'atteinte à l'économie nationale. Mais selon certaines sources sur place à Karagara, il s'agit là d'une façon d'évincer ce chef collinaire de son poste, arguant que s'il y a eu spéculation sur le sucre à Gafumbe, c'est plutôt les détaillants qui devraient être interrogés en premier lieu et non au chef collinaire qui ne fait que superviser la distribution du sucre. Contacté à ce sujet, Jean-Guri Lagenda, chef de zone Burhukiro, répond qu'il ne peut pas s'exprimer sur un dossier pendant à la justice. Cependant, au niveau de la commune Rumonge, l'on informe qu'à leur connaissance, aucun administratif ne vend du sucre, mais que leur rôle ne se limite qu'à la supervision dans la distribution. Ainsi donc, pour la commune Rumonge, ce chef collinaire devrait comparaître étant libre, rappelant le principe général du droit que la liberté est une règle et la détention est une exception. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Le tribunal de grande instance de Mukaza a décidé le maintien en détention préventive de Sandra Muhoza, journaliste de la Nova Burundi, après sa comparution en date du 6 mai dernier. Muhoza est détenue à la prison centrale de Mhimba depuis jeudi 18 avril de cette année. Elle est poursuivie pour deux infractions, atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée le 13 avril de cette année et venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngozi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. Et le journaliste Kenny Claude Nduimana est locataire de la même prison centrale de Mhimba depuis octobre l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ce confrère a comparu le 2 mai devant le tribunal de grande instance de Mukaza. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet prochain et pour cause, son co-accusé dans cette affaire a été libéré provisoirement et ne s'est pas présenté à cette audience du 2 mai. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Parlons diplomatie à présent. Le gouvernement du Burundi devrait tempérer ses déclarations en ce qui est de sa souveraineté en dépassant les idées datant de 2015 comme quoi le pays peut se suffire, mais aussi user de plus de transparence dans la gestion de fonds. Réaction d'un politologue après les annonces faites lors d'une récente session de dialogue entre le Burundi et l'Union européenne, à savoir que celle-ci compte toujours élargir les domaines de coopération avec le pays. Dr Guillaume Ndaike Ngurutse trouve que le Burundi n'a qu'à respecter les conditions liées aux droits de l'homme et de démocratie en vue de recouvrer les financements que le pays avait avant 2015. Suivez-le au micro d'Alain Désiré Boukénez. En 2020, il y a eu l'annonce comme quoi ces sanctions sont levées. Mais en réalité, c'était une levée symbolique. Il y a d'autres conditions qui doivent être remplies pour qu'il y ait le déblocage des fonds. Mais où réside exactement le blocage? D'une manière générale, nous savons toujours que la reprise de l'aide budgétaire, que ce soit avec l'Union européenne ou avec notre bailleur, passe par le respect de certaines conditionnalités, notamment l'état des lieux du respect des droits de l'homme dans le pays, l'état des lieux du processus démocratique en général, et surtout la qualité de la gestion des fonds qui sont là. Si vous croisez cela avec des discours qu'on a eu à entendre depuis 2020, des discours de la part de nos propres autorités qui remettent en cause certaines pratiques de gestion, vous-même, vous pouvez comprendre que c'est très difficile pour un bailleur de s'engager dans ces financements, de financer un système qui n'est pas nécessairement très transparent en matière de gestion. Vous le regardez de près, que devrait faire le gouvernement du Burundi alors pour redresser cette situation? Depuis 2015, il y a eu un discours très fort sur l'affirmation de la souveraineté du Burundi, sur le renforcement des capacités du Burundi à satisfaire ses propres besoins sans faire le cours à l'extérieur. Mais est-ce que cela est possible aujourd'hui? Parce que il faut se rendre compte que le monde actuel tel qu'il se configure, c'est un monde où la souveraineté, c'est une valeur, certes importante, mais qui est tempérée par la montée inexorable de l'interdépendance. Et elle ne peut se construire que dans la coopération avec les différents partenaires. Concernant les événements de 2015 qui ont poussé un certain nombre de Burundais à prendre le chemin de l'exil, Dr Guillaume Ndaike Ngurutse dit que le gouvernement devrait non pas mettre en avant la justice, mais plutôt gérer la question d'une manière qui pacifie la communauté, puisque certains de ces Burundais à l'étranger regorgent des potentialités qui pourraient développer le pays. On l'écoute encore une fois. À un certain moment, sous le choc des événements, on peut comprendre la réaction des acteurs gouvernementaux. Mais bientôt 10 ans après 2015, je pense qu'il faut que nos autorités commencent à regarder ces événements avec beaucoup plus de lucidité, avec beaucoup plus de compréhension par rapport à ce qui s'est passé et surtout compte tenu des enjeux pressants actuellement. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sécuritaire. Parce que le pays ne gagne jamais à ce qu'il y ait des compatriotes, des concitoyens qui sont contraints à vivre à l'étranger. Alors que malgré certains manquements, ils sont des personnalités qui ont un potentiel et qui peuvent apporter quelque chose dans la construction actuelle de l'État. Pour moi, il faut tempérer quand il s'agit de poser des conditions. Dans la construction de l'État, surtout un État post-conflictuel comme le nôtre, parfois c'est très bien d'envisager la justice, mais il faut que cette justice soit aussi tempérée par le souci de pacifier les communautés de façon durable. Poursuivons cette édition en parlant infrastructures. Des nids de poules sont en train d'être rebouchés sur certaines routes se trouvant à mairie de Bujumbura, comme l'axe menant vers la province Rumonge. Des usagers de cette route apprécient cette initiative, puisqu'avant ces nids de poules causaient des accidents, surtout le soir, et souhaitent que ces travaux s'étendent sur d'autres axes, notamment à Ruziwa, le point avec Ornella Mouchou. Les travaux de bouchage des nids de poules sont déjà terminés sur certaines routes se trouvant en mairie de Bujumbura. Il s'agit notamment des nids de poules se trouvant à la jonction de l'Ipeya et de l'avenue de Muyinga, l'année de même, tout près de la messe des officiers et sur la route JRR. Visiblement, la circulation est libre et facile, ce qui n'était pas le cas avant car les véhicules essayaient d'échapper à ces nids de poules. La route communément appelée route Lumongue-Bujumbura, ces travaux sont exécutés par l'agence routière du Burundi, ARB, à partir de l'école internationale de Bujumbura jusqu'à l'hôpital SMCK. Les usagers de cette route se réjouissent que désormais qu'il n'y aura plus d'accidents causés par ces nids de poules. Nous apprécions le bouchage des nids de poules car il facilite la circulation routière. Il y avait un gros nid de poules tout près de Kila Hospital et les véhicules qui roulaient à vive allure subissaient souvent des accidents. Cinq jours ne pouvaient pas passer sans enregistrer un cas d'accident. Sont en train de nous faciliter la tâche, car il y avait des nids de poules qui endommageaient les pièces de nos voitures. Ils demandent que ces travaux se poursuivent dans les endroits où ces nids de poules s'observent toujours. Je garde espoir que cette campagne va continuer et couvrir d'autres voiries de la mairie de Bujumbura. Cela diminuera les cas d'accident. Que ce travail se poursuive même à Ruziba, à Kanyosha, où les nids de poules sont nombreux et perturbent la circulation. Ces travaux de bouchage des nids de poules sont réalisés après le lancement officiel par le président de la République du Burundi le 12 juillet 2022 de la campagne Zéro Nid de Poules. Restons en zone urbaine de Moura pour parler hygiène. Les habitants du quartier Guissio en zone urbaine de Kanyosha ont des problèmes liés à la gestion des déchets ménagers. Ils disent que les associations chargées de les dégager ne font plus correctement la collecte et se contentent de les transporter sur la tête, surtout le soir, pour les jeter dans des ravins se trouvant à la jonction des 7e et 8e avenues et un autre situé derrière la paroisse catholique de Kanyosha. La population environnante craint les maladies des mains sales, bien que d'autres y trouvent un moyen de survie, le point avec Francine Dehokugayo. Ces habitants de Guissio n'ont pas de site précis où jeter les déchets ménagers. Ils affirment que les véhicules des sociétés chargées de les collecter ne passent plus. Actuellement, ils font recours aux journaliers qui sont payés à la tâche. Ces derniers vont jeter ces déchets dans de grands ravins situés à la jonction des 7e et 8e avenues. Un autre se trouve en aval de l'église catholique de Kanyosha. L'activité en soi se fait généralement le soir, comme le témoignent certains des habitants de la localité. Les véhicules venaient récupérer ces déchets, mais aujourd'hui, ils ne viennent pas. Nous faisons comme les autres et qui viennent jeter ces déchets dans cet endroit. Quelquefois, l'on donne de l'argent à ceux qui transportent ces déchets pour les jeter dans ces ravins et la somme varie entre 1 000 et 3 000 francs. L'important est de rappeler ces associations à reprendre cette activité de collecte de ces déchets car nous craignons des maladies dans mon salle. Il y a ceux qui conservent ces déchets dans leurs parcelles et se cachent pendant la nuit pour venir les jeter dans ces ravins. Mais les risques sont énormes suite à ces saletés. Une maman qui picore dans ces déchets peut faire téter son bébé ou manger quelque chose sans toutefois se laver les mains. Bien que la population environnante craigne les maladies liées au manque d'hygiène, les autres y trouvent de l'intérêt. C'est vrai que ça pue, mais c'est normal. Cela peut nous causer des maladies, mais puisqu'il y en a qui y cherchent du charbon, on ne peut rien y faire. Il arrive des fois où ces saletés affectent nos enfants qui peuvent avoir de la toux et de la grippe. Certains cherchent ici du charbon, des bouteilles en plastique et du matériel en fer à vendre pour survivre. « Ces habitants d'Ogisio demandent que les sociétés qui se sont engagées à collecter les déchets ménagers respectent les contrats. L'administrateur de la commune Moura Devote Ndaisenga promet de s'exprimer ultérieurement. Francine Deokugayo et les opérateurs exerçant le commerce transfrontalier de l'avocat ayant reçu le code d'exportateur doivent chercher de nouveaux documents d'exportation selon un communiqué du ministère du Commerce du 22 mai de cette année et cela avant le 15 juin de cette année en vue de réorganiser ce secteur. Cela est ainsi au moment où l'avocat a été mis sous la liste des produits d'exportation par le comité central du parti au pouvoir au terme d'une réunion de deux jours en province Ngozi des 22 et 23 avril de cette année. Radio Isanganiro, chronique sport. Place à la chronique sportive de ce lundi à 18h16 dans le studio de la radio Isanganiro. Les exercices de gym tonique faits par les femmes les aident à avoir une bonne santé physique et mentale. D'après Sylvie Hatungimana, professeure à l'Institut d'éducation physique et des sports de l'Université du Burundi, en même temps coach de gym tonique pour les femmes, ce sport est socialement considéré comme une petite corde qui contribue à tisser des liens entre elles. Cette chronique sportive est signé Jean-Marie Vianney, Ngendakoumane. Les exercices physiques et de gym tonique jouent un grand rôle pour la bonne santé des femmes du fait qu'ils aident le corps à rejeter les déchets accumulés lors de la consommation. Explication de Sylvia Tungimana, directrice académique à l'Université du Burundi, en même temps professeure de cette université à l'Institut de l'éducation physique et des sports IEPS. L'exercice physique est reconnu actuellement comme ayant un impact certain sur la santé physique, mais également sur la santé mentale. La santé physique d'abord, nous sommes conscients et nous savons maintenant, et les spécialistes le prouvent et l'ont déjà écrit dans pas mal d'ouvrages, que l'homme est un tout de consommation. Et toutes ces consommations, que ce soit l'alimentation, que ce soit ce que nous buvons, doivent contribuer à la santé générale de l'individu. La santé, c'est ce que nous avons emmagasiné, mais c'est aussi les déchets que le corps rejette. Son coach de gym tonique pour les femmes fait savoir qu'actuellement, les médecins peuvent prescrire le gym tonique comme outil de thérapie. Il est même maintenant exigé que les médecins puissent prescrire les exercices physiques comme outil de thérapie. Donc l'aspect préventif, l'aspect entretien, mais l'aspect aussi guérison par l'activité physique. La directrice académique de l'Université du Burundi précise que psychologiquement, le sport aide le corps à sécréter les hormones spécifiques de plaisir et du bien-être appelées endorphines. L'exercice physique joue un rôle sur le mental parce que quand vous faites l'exercice physique, le corps sécrète des hormones. Une hormone spécifique s'appelle endorphine. Et c'est l'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être, si vous voulez. Et vous comprenez quand quelqu'un a eu une dure journée, que si quelqu'un a eu des stress dus au travail, dus aux relations, parce que des fois, on a des journées assez pénibles, soit par rapport au travail lui-même ou bien par rapport aux relations que nous pouvons avoir au service. On a la tête pleine, on a le stress, on est fatigué, eh bien, l'exercice physique contribue donc à éliminer ce stress, contribue à travers cette hormone, l'endorphine, à procurer le bien-être mental. Le sport contribue également dans le processus de la socialisation du fait que ces femmes en provenance de différents endroits tissent de bonnes relations entre elles. Bien, le troisième aspect, c'est la socialisation. Les gens que nous recevons ici viennent des milieux divers et ils se rencontrent entre mamans. Cela suppose qu'il y a des liens automatiquement qui se tissent parce qu'on est là pour un même objectif. Et de temps en temps, on organise des événements, des conférences qui ont trait à l'activité, qui ont trait à la santé, qui ont trait à la nutrition. Et à travers ces conférences, les gens se rencontrent autour de ce thème et à la fin, on a un moment de plaisir. Cela aussi aide à créer des liens, à tisser des liens que je dirais amicaux. Mais au final, c'est une petite corde qui relie des gens comme dans une famille. Donc c'est cet aspect social que ces dames gagnent également lorsqu'elles viennent ici. Dans la prochaine chronique sportive, professeure Sylvie Atongimana expliquera les genres d'exercices conseillés pour les femmes et dans combien d'autres elles peuvent les pratiquer. Ainsi se referme cette édition. Merci madame et monsieur de nous avoir prêté oreille attentive. Merci également à Albert Andouaille qui assurait la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir. Mireille Kanyangi.